13, 18, activation orale, absence et abondance. Répondez selon les exemples. Vous entendez? 1. Il y a beaucoup de trucs. Que vous dites? Ce ne sont pas les trucs qui manquent. Ou bien vous entendez? 2. On ne peut pas faire de ski, il n'y a pas de neige cet hiver. Et alors vous dites? C'est la neige qui manque. Allons-y. 3. Il y a beaucoup de fils à papa à Saint-Tropez. Ce ne sont pas les fils à papa qui manquent. 4. Il y a beaucoup de soleil à Saint-Tropez. Ce n'est pas le soleil qui manque. 5. Il y a beaucoup de café à Saint-Tropez. Ce ne sont pas les cafés qui manquent. 6. Il y a beaucoup de dragueurs à Saint-Tropez. Ce ne sont pas les dragueurs qui manquent. 7. On ne peut pas aller en vacances, on n'a pas assez de temps. C'est le temps qui manque. 8. Moi, je veux bien aller à Saint-Tropez, mais on n'a pas assez d'argent. C'est l'argent qui manque.